J'ai m'a réfléchi à Bibel comme ouais. C'est télévision, magazine, où j'éclaire. Pas jamais qu'à joindre pour me comparer à tout. Oh chérie, même si on t'a demandé, ça qui cause la vie, si t'a existé. Sans hésiter, moi t'as répondu que c'est où, baby. Mon seulement fait moi de bouche bé. Moi petit sémantique parler. Franchement, me décontrôler. Passe à parler. Bouche moi serré, bébé, contre bébé. Oh oh. Passe à parler. Moi j'ai envie, t'as tout dit chérie, tout ça m'a senti. Malgré sa courage, moi faibli, moi vais avancer. Tellement chouchou beauté ou tout menté. Oh chérie, si vous regardez moi bien, comment était tout. Est-ce que moi pas fou? Pas qu'un problème si dans yeux moi flamme l'amour. Tout paraît lumière pour chauffer m'chouchou. Qui t'enveloppe doudou. Passe à parler. Bouche moi serré. Fab.